Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un autre que lui aurait raconté sa vie sur le mode de l'épopée. Né à Nice pendant la guerre, Le Clézio a vécu enfant l'aventure du départ en Afrique, où il a rejoint son père, médecin de brousse, au Nigeria. Puis il a connu le succès très jeune avec son roman Le Procès Verbal. Il a dénoncé la prostitution des enfants en Thaïlande durant son service civil. Il a vécu au Mexique avec les Indiens, puis aux États-Unis et dans d'autres endroits encore. Mais de sa vie, il n'a jamais fait étalage, cette vie dont nous avons raconté les grandes lignes lundi dernier avec Michel Gazier et Aliette Armel. Mardi, Isabelle Roussel-Gilet nous a redonné les grandes inspirations et influences de son œuvre plurielle, de Rimbaud au nouveau roman, de Lautréamont à Sartre. Enfin, demain, c'est d'un Le Clézio, poète, philosophe et un peu chaman, dont nous parlera Bruno Thibault, qui évoquera également les liens de l'écrivain franco-mauricien avec les États-Unis. Et aujourd'hui? It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de ses liens avec les autres arts et surtout tenter de comprendre ce que Le Clézio nous dit du monde actuel. Nous allons le faire avec vous, Marina Salle. Bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup écrit à son sujet, à commencer par votre thèse de doctorat dont vous avez extrait deux ouvrages, Le Clézio, notre contemporain, aux presses universitaires de Rennes en 2006 et puis Le Clézio, peintre de la vie moderne en 2007 aux éditions de l'Harmattan. Alors ce thème de la modernité que vous soulevez ne vient pas forcément directement à l'esprit quand on pense à Le Clézio, qu'on verrait plutôt finalement fuir la modernité et se réfugier au milieu d'un désert. Vous allez nous dire pourquoi il y a aussi autre chose à comprendre que finalement ce qui est devenu un petit peu un stéréotype sur Le Clézio. Oui, tout à fait. Et ma démarche est partie justement du fait que personnellement je lisais Le Clézio comme un auteur qui était contemporain. Je l'ai découvert avec Le Procès Verbal en 1963. Et en 1963, Le Procès Verbal, c'était un roman ultra contemporain, qui ressemblait par certains aspects au nouveau roman, mais qui en différait parce qu'il était quand même plus lisible et plus accessible. Mais j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de ma génération qui écrivait et qui était dans l'époque. Donc la critique s'est tout de suite un petit peu trompée, vous croyez, sur Le Clézio? On n'a vu qu'une partie de son travail? Non, je ne sais pas. Simplement, il n'a peut-être pas été beaucoup... Il a été très lu, très analysé pour ses premiers livres. Et puis, en quelque sorte, les livres, disons, après Mondo, après L'inconnu sur la terre, Désert, ont estompé, en quelque sorte, toute cette partie de son œuvre. Ce qui fait que il y a eu toutes ces lectures très, très oniriques, très lyriques, très exotiques de son œuvre. Et il m'a semblé que c'était un manque. Parce que il ne s'agit pas de contester ces analyses qui sont évidemment tout à fait bienvenues et justes et pertinentes, mais il s'agissait d'apporter un complément en montrant que justement Le Clézio n'était pas hors de notre temps, n'était pas dans une attitude de fuite par rapport à l'époque. Alors c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous, Marina Salle. Peut-être avant, parler aussi un petit peu de cet autre livre que vous lui avez consacré, Le Clézio, peintre de la vie moderne. Il faut rappeler peut-être que cette expression « peintre de la vie moderne », ça vient évidemment d'une œuvre en prose de Baudelaire, qui était à l'époque une sorte de provocation. Baudelaire, en effet, considérait que le peintre de la vie moderne, le grand génie ou l'un des grands génies de son temps, c'était un peintre inconnu, ou presque, Constantin Guisse. Est-ce que vous avez voulu faire quelque chose d'un peu similaire, ou en tout cas vous mettre dans les pas de Baudelaire en écrivant ce livre, Le Clésio, peintre de la vie moderne. Ah oui, c'est Baudelaire qui m'a donné le titre de ma thèse, et donc quand j'ai dû découper ma thèse en deux livres, donc j'ai dû trouver un autre livre pour l'autre, mais c'est bien sûr, ça vient de Baudelaire, parce que justement Baudelaire définissait l'artiste moderne comme celui qui sait voir la beauté de son époque, fut-elle fragile, fut-elle minime, fut-elle légère, fut-elle violente, voilà. Je me lavais les pieds dans le lavabo, savonnant mes orteils avec soin. Debout sur une jambe, l'autre plongée dans l'eau très chaude, j'étais actif. J'avais des gestes habituels, bien déterminés, de ce qu'on fait sans y penser. Et puis tout d'un coup, venu des profondeurs de la cour, un bruit de musique a traversé la paroi de la fenêtre. Je l'ai entendu. C'était une musique triste, vulgaire, de l'accordéon sans doute, sortie d'une radio, ou peut-être jouée par un mendiant assis sur une caisse au centre de la cour. Une musique très ordinaire, ni belle ni discordante, qui montait jusqu'à moi par bouffées, mêlée au bruit des moteurs et au brouhaha des habitations. Avec de temps en temps une fausse note, ou un silence, comme si on reprenait sa respiration. Je l'écoutais en lavant mon pied droit. Et puis, toujours aussi brutalement, je n'ai plus pu rien faire. J'ai été paralysé sur place, étonné d'être ainsi frappé, remué jusqu'au fond des entrailles par le son nasillard, un peu grêle. Je n'avais pas de pensée. Il y avait seulement en moi cette immense tristesse profonde comme un puits noir qui me montrait partout le néant. Je veux dire, tout continuait d'exister autour de moi, je voyais tout. Les moindres détails du mur peint en blanc où s'accrochaient les petites gouttes de la vapeur condensée, les rayures de l'émail, du lavabo, le tartre des robinets, la crasse flottant sur l'eau savonneuse. Mais c'était glacé, livide, désolé. C'était l'espace dépouillé des sentiments du langage, la matière cubique, calme, telle qu'elle. Par Jean-Pierre Joris de cet extrait de l'extase matérielle. Il y a quelque chose déjà de pictural dans cette description, Marina Salle. L'écriture de Le Clésio, cet homme qui voulait être peintre, il faut le rappeler je crois, est une écriture dans laquelle la description est très présente et ce sont vraiment des tableaux qu'on peut lire dans un certain nombre de ses livres, dans tous peut-être. Oui, alors il voulait surtout être dessinateur. Il aimait beaucoup, beaucoup dessiner, mais c'est vrai qu'il appréhende le monde en peintre, avec ce sens de la précision, ce sens du détail. Il a un attachement au détail. Il dit d'ailleurs que ce qui compte, ce n'est pas les ensembles, c'est le détail. Et puis surtout, il a cette façon qui va peut-être au-delà de la peinture, qui est d'associer les sensations. Il associe les lignes, les couleurs, les bruits. Il est extrêmement sensible au bruit, et justement au bruit de la vie moderne. Et à la musique, du coup, parce que là, musique, il parle de la musique. Et à la musique également. Et quelquefois même des senteurs, hein, les odeurs olfactives, même désagréables, il les note. Il a, de ce point de vue-là, une écriture extrêmement à la fois sensible et sensuelle. Mm-hmm. C'est certain. La musique, c'est le plus grand des arts pour lui ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à... Alors, si on réfléchit du point de vue autobiographique, probablement, puisque sa mère était musicienne, était une grande pianiste, il a dit qu'elle aurait pu être une concertiste, et il y a des œuvres qui ont été jouées par sa mère qui sont présentes dans son œuvre et qui reviennent régulièrement, par exemple la cathédrale engloutie, par exemple surtout Eric Satie, les gymnopédies d'Eric Satie, mais aussi certains nocturnes de Chopin qui apparaissent dans Alma, un de ses derniers livres. Et donc la musique, mais Le Clésio est aussi un amateur de jazz. Et il a beaucoup parlé du jazz dans son œuvre. Et le jazz lui a fourni même certains rythmes pour certaines de ses phrases. Et puis il introduit aussi les musiques contemporaines. Il introduit j'ai un chapitre qui s'appelle du bebop au hip-hop, mais dans un de ses derniers romans, qui est Bitna sous le ciel de Séoul, il raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait de la musique avec un groupe de pop coréen, de K-pop, et qui s'appelle, bon, qui ressemble étrangement à BTS. Mm-hmm. Et donc il est très très informé aussi de ces nouvelles musiques, de ces musiques contemporaines. Et il n'hésite pas à les introduire et à les glisser dans ses romans. Est-ce que, comme Baudelaire, il a aussi fait des critiques sur des peintres, par exemple? Est-ce qu'il a écrit sur des peintres? On sait que, par exemple, il était très proche de Frida Kahlo et il a écrit la biographie du couple Diego Rivera-Frida Kahlo. Oui, oui, et moi j'ai lu aussi une très belle critique qu'il avait faite de Georges de Latour. Oui, il a écrit sur certains peintres. Sur Matisse peut-être. Sur Matisse, exactement. Peintre niçois. Qui était peintre niçois, tout à fait. Donc là, il a produit quelques articles dans des revues, mais effectivement le grand ouvrage sur la peinture, c'est la biographie de Diego et de Frida Kahlo. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il regarde dans les images quelque chose en particulier? Est-ce que, par exemple, ce ne seraient pas les visages qui l'intéresseraient le plus? Parce qu'on dit que c'est un peintre des paysages, et c'est vrai que quand on lit Désert, on est vraiment dans le désert. Mais est-ce que ça n'est pas d'abord ce qui l'intéresse, c'est les paysages? Les portraits, les visages. Mais oui, moi je le ressens comme ça. Je trouve que... Alors, il ne fait pas des portraits, ressemblants. Mais il ne fait pas des portraits ressemblants. Mais il a justement ce talent de caricaturiste, quelquefois, de capter la ligne, de capter l'expression d'un visage, parce que souvent ce sont des visages qu'il croise dans la rue, qui passent de manière fugitive, et il a une façon de les capter de telle manière qu'on a l'impression de les croiser à notre tour. Oui, il est intéressé, oui, par les visages. Il pourrait dire, comme Godard, que le seul film définitif montrerait un être humain de sa naissance à sa mort à raison d'une image par jour et offrirait en 20 minutes le spectacle d'un visage s'ouvrant et se flétrissant peu à peu comme une fleur. C'est beau. Oui, je pense qu'il pourrait dire ça. Vous savez qu'il avait des liens avec Godard. Hein. Il s'est entretenu avec Godard à l'époque. En 1966, il y a eu un dialogue entre Godard et Le Clésio. Et puis, Le Clésio est un grand cinéphile. Mm. Et donc, il faisait partie de ces cinéphiles qui soutenaient justement un peu la nouvelle vague à l'époque. Et il est effectivement... Et il a dit toujours à propos du cinéma, et que justement, ce qui l'avait frappé dans les films qui l'ont marqué, c'était les visages des acteurs, les visages des actrices, et ça, ce sont des images inoubliables. Et son propre visage, quand il se regardait dans le film de Mario Camerini, Chacun son alibi, parce qu'il a aussi été acteur. Absolument. Il a joué un rôle de, disons, de figurant. Hein. Je crois qu'il avait comme fonction de tendre un briquet à l'actrice principale. Et donc, il ne prononçait pas un mot. Alors, Le Clésio, il a un rapport difficile avec son propre visage. Il a longtemps dit qu'il n'aimait absolument pas se regarder dans les miroirs. Pourtant, on le considère comme étant très beau. Ah ben, et c'était même un problème, parce que au début de son œuvre, les critiques commençaient toujours par le bel acteur, le bel auteur, ou par parler d'abord, en quelque sorte, de sa beauté avant de parler de son écriture. Et je me souviens même d'une critique qui, après le procès-verbal, avait dit que de toute façon, s'il ne réussissait pas dans la littérature, il pourrait toujours essayer du côté du cinéma. Bon, voilà. Mais malgré tout, il n'est pas du tout dans un rapport narcissique avec son visage, Clésio, c'est certain. Justement, est-ce que c'est un thème aussi de sa littérature? Est-ce qu'on le retrouve quelque part, ce rapport peut-être problématique justement avec l'image, avec sa propre image? Il en parle quelquefois. Il dit quelquefois, par exemple, qu'il déteste être photographié. Moi, j'ai souvenir d'avoir assisté à une émission d'Apostrophe. Non, c'était peut-être pas Apostrophe, mais c'était avec Bernard Pivot. Au Bouillon de Culture. Bouillon de Culture. Et quand il est entré sur le plateau, il y avait tous les photographes. On a eu l'impression là que on l'aurait poignardé dans le dos. C'était pareil. Et donc, certainement, c'est une. Il n'a pas du tout le goût. Il ne vient pas très très souvent à la télévision. Il est beaucoup plus à l'aise à la radio. Il le dit. Mm-hmm. Il dit qu'il aime beaucoup plus venir parler. Mais est-ce qu'il aime bien la radio quand même? C'est pas sûr. Aussi. Je crois, de plus en plus sans doute. Et je ne sais pas si vous avez écouté certaines émissions assez récentes, il donne l'impression d'y être beaucoup, beaucoup plus à l'aise qu'à la télévision. Mmh. Les masses médias, ça représente quoi pour lui? C'est à éviter totalement? Ah non, non. Alors là aussi, je pense qu'il y a eu des idées un petit peu toutes faites, parce que si on regarde bien, le Clésio a toujours répondu aux entretiens qui lui ont été demandés pour presque toutes ses œuvres, il y a eu des promotions qui ont été faites par des journalistes, des émissions de radio, et il ne les multiplie pas, hein, il ne court pas après, mais si on l'invite, il a des radios préférées aussi sans doute, et si on l'invite, il vient volontiers. Il connaît bien certains journalistes, hein, avec qui il a plaisir à travailler. Oui. Oui, il a notamment été sur Europe 1. Vous citez cette radio concurrente, Marina Sall, dans votre livre, pour dire que de temps en temps, il aimait bien aller à Paris pour prendre un peu l'air du temps. Mais oui, parce que ça n'est pas, et on va le voir bientôt, on va le voir même tout de suite, ça n'est pas seulement un reclus. J'ai eu l'impression en vous lisant que les pages où vous êtes le plus inspiré, où vous êtes le plus vous-même, où vous donnez le plus, sont des pages où vous évoquez des lieux qui ont été très peu touchés par la civilisation. Qui ont été touchés par d'autres civilisations. Je ne crois pas qu'il existe sur ce globe terrestre un seul lieu qui n'ait pas été touché par la civilisation, quelle qu'elle soit. Alors disons par une civilisation qui avait complètement intégré les forces de la nature. Voilà, parce que voilà, il y a ces civilisations qui tendent à vous faire croire que l'architecturé est supérieur au naturel, ou les civilisations qui, elles, ont subordonné l'architecturé au naturel. Et dans ce deuxième cas, je trouve que la civilisation est moins astreignante, elle vous donne moins le sentiment du danger, elle vous donne un sentiment de jouissance qui est beaucoup plus grand. Au fond, ce qui m'attire chez les Amérindiens ou chez les gens du désert ou peut-être chez les Esquimaux si un jour j'y vais, je crois que c'est cette impression que ces gens vivent le bonheur parce qu'ils ont intégré ces deux forces qui sont malheureusement dissociées dans le monde industriel, dans le monde des jouissances contemporaines. Des œuvres sur France Culture, nous parlons de Le Clésio. Avec vous, Marina Sall, est-ce que dans l'esprit de Le Clésio, il peut y avoir du bonheur dans cette modernité occidentale, dans cette jouissance contemporaine? Parce que vous allez nous dire à quel point il s'intéresse aux contemporains, mais il y a quand même, semble-t-il, une difficulté avec toute une partie de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec sa vitesse notamment. Peut-on lier, comme il le fait, ou lit-il le bonheur à une civilisation qui ne serait pas la nôtre finalement, notre civilisation occidentale? Bon, si on regarde effectivement particulièrement ses œuvres à partir de Désert, on a effectivement l'impression que il trouve davantage de bonheur et de bien-être dans des sociétés qui ne sont pas totalement inféodées au progrès. Si on regarde les premiers livres, on est obligé de reconnaître aussi que ces personnages, qui sont des marcheurs infatigables, hyperesthésiques, sont totalement agressé par le tourbillon de la ville, par les bruits, par les mouvements, l'agitation incessante. Alors, mais hyperesthésique, pouvez-vous nous définir ce mot? Qui sont d'une sensibilité extrême et avec tout leur sens justement. Hein. Et donc ils ont ce sentiment d'être agressé en quelque sorte par cet univers qui est toujours en mouvement, toujours bruyant et toujours quelquefois violent, mais ils sont aussi capables, et ça c'est ça que j'ai personnellement voulu remarquer, de véritables stades d'arrêt et pour percevoir la poésie en quelque sorte l'envers de ce monde-là, et en percevoir la poésie, même si c'est une poésie, barbare, hein, en quelque sorte. Il y a des moments, même dans un roman comme La Guerre, dont le titre paraît si violent, il y a des moments comme ça de pause où les personnages sont capables de percevoir ce que nous ne percevons pas, la poésie qui se cache derrière cet univers-là. Un peu comme Baudelaire qui flânait dans les rues de Paris. Absolument. On pense effectivement ces personnages sont comme et puis aussi comme les surréalistes qui étaient à la recherche du surréel justement derrière le réel. Et les personnages de Leclésio dans ses premiers romans me semblent être aussi dans cette démarche, ou comme la dérive des situationnistes aussi. Hein. Alors évidemment ce sont des errances marquées par les affects, hein, bien sûr, des affects positifs et des affects négatifs, mais il me semble que Leclésio est un grand poète de la ville contemporaine. Et il a dit lui-même, par exemple, que à propos des bruits, qu'il avait besoin, avant d'écrire de décrire une rue, d'aller dans cette rue, d'aller écouter les bruits, même si c'était des bruits extrêmement violents de marteau piqueur ou que sais-je, et il avait besoin de s'imprégner de cette réalité-là pour la décrire. Et donc, c'est un beau sacrifice quand même qu'il fait pour nous redonner un regard plus poétique sur notre environnement. Et donc sur la ville, parce que c'est ça qu'il faut dire et redire aujourd'hui. Des villes qui sont d'ailleurs nommées, hein. Il y a Nice évidemment, il y a Marseille, il y a Paris, il y a Londres, il y a Mexico. Oui. Est-ce qu'il y a une approche urbanistique aussi? Est-ce que l'urbanisme l'intéresse, ou est-ce qu'il y a un niveau qui est plus infra, justement le niveau des visages, des gens croisés dans les rues? Alors, il a parlé récemment dans ses causeries de Chine, là, donc son dernier ouvrage, de son rapport justement avec les villes, et qui contredit tout ce qu'on peut dire sur Leclésio qui serait un simple contempteur de la ville. Et donc, parce qu'il explique que les rues, les avenues, les mouvements, la circulation des idées, la promiscuité des corps, tout cela, il l'assimile à la littérature. Et il dit donc que l'écrivain se retrouve, quoi, en quelque sorte, dans la ville. Mais il explique que ce qui l'intéresse dans les villes, ce ne sont pas les monuments, c'est le vortex. Mmh. Voilà l'expression qu'il emploie. Ça veut dire quoi dans ce cas-là, le vortex? C'est-à-dire le tourbillon des gens. Et il aime, c'est en particulier les villes plurielles, ces villes qui sont des creusets où les populations se croisent, se rencontrent, se mêlent. Ça correspond donc à sa recherche de l'interculturalité, hein, dont il a été question hier. Et donc, il n'a plus du tout, enfin en tout cas, un discours négatif sur les villes. Il y avait beaucoup de monde dans les couloirs, mais j'ai réussi à me faufiler au premier rang. Elle était grande, très noir de peau, avec un visage un peu long et des yeux arqués. Elle était coiffée d'un turban fait avec des chiffons rouges et elle portait une longue robe rouge sombre. J'ai pensé qu'elle ressemblait à une Égyptienne. « C'est Simone, elle est haïtienne », a dit Nono. Elle avait une voix grave, vibrante, chaude, qui entrait jusqu'au fond de moi, jusque dans mon ventre. Elle chantait en créole avec des mots africains. Elle chantait le voyage de retour à travers la mer que font les gens de l'île quand ils sont morts. Elle chantait debout, presque sans bouger, et puis soudain, elle se mettait à tourner en battant des hanches et sa grande robe s'ouvrait autour d'elle. Elle était si belle que j'en étais suffoquée. Un soir, elle m'a parlé. Il y avait eu une descente de police et tout le monde s'était dispersé. On s'est retrouvé seul dans la station, au bout d'un long couloir. Il fallait passer. Je lui ai donné un ticket et nous avons pris le métro vers Place d'Italie. Elle s'est assise sur un strapontin et moi, à côté d'elle. Elle m'a demandé qui j'étais, d'où je venais. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit ce que je ne confiais à personne, que je ne savais pas qui j'étais ni d'où je venais, qu'on m'avait vendu une nuit avec mes boucles d'oreilles qui représentaient le premier croissant de la lune. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette lecture de Poisson d'or par Laurence Bourdil, que vous évoque-t-elle, Marina Salle ? Ben, Poisson d'or, c'est le grand roman de la ville de Jean-Marie Le Clézio et le roman parisien, le plus parisien. Pourtant, on dit que c'est une réinterprétation de Désert, c'est vrai ? Ou une réécriture de Désert ? Alors, ça, c'est à cause de la fin qu'on dit cela. Parce qu'effectivement, à la fin, donc, elle retourne vers son pays d'origine, son village d'origine, et elle touche effectivement le sol. Mais là, il y a eu des interprétations qui me semblent... moi, je ne lis pas Poisson d'or comme ça. Il me semble qu'elle ne retourne pas s'installer dans son village. Comme le disait d'ailleurs, je crois, Isabelle hier, elle a besoin de retrouver ce passé, mais pour démarrer autre chose, redémarrer sa vie de femme. Et ensuite, elle va partir et elle va probablement revenir en Europe ou au Canada même. Je crois qu'elle a le projet de partir au Canada. Donc, c'est une fin différente de celle de Désert. Mais même celle de Désert n'était pas tout à fait une fin négative par rapport à la ville. Parce que quand Lala accouche dans le désert, revient pour accoucher dans le désert, elle revient accoucher dans le manteau marron qu'elle avait obtenu quand elle était à Marseille, avec son manteau marseillais. Et c'est un signe d'un effort, en quelque sorte, presque déjà, de réconcilier, en quelque sorte, ces lieux. Mais l'habitant, ou en l'occurrence l'habitante de la ville, c'est quand même quelqu'un qui vient de l'extérieur de la ville. Enfin, il y a toujours ce rapport entre le dedans et le dehors. Ça, il n'y a pas, ou y a-t-il, des peintures vraiment de citadins tels que on se les représente, c'est-à-dire des gens qui, depuis des générations, vivent dans la grande ville. C'est difficile à dire parce que le Clézio, d'abord, c'est vrai qu'il est intéressé essentiellement par la diversité des populations et par justement ces populations qui apportent d'autres visages, d'autres couleurs, d'autres sonorités, d'autres cultures, c'est certain. Alors dans les premiers livres, il y a quelques caricatures comme ça mais en même temps, le Clézio... Des caricatures donc. Oui, oui, un petit peu des personnages peints un petit peu à la hâte et avec une dimension un tout petit peu ironique, mais donc de marcheurs qu'ils trouvent dans la rue. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, dans Poisson d'or par exemple, le Paris qu'il décrit, ce n'est jamais le Paris des beaux quartiers, c'est un squat, une espèce de taudis dans lequel justement ces gens qui viennent de l'extérieur vont s'installer. Et c'est vrai que le Clézio n'a jamais décrit un appartement du 16e arrondissement et des habitants du 16e arrondissement. En fait, il décrit les non-lieux. Là, l'extrait qu'on a entendu, c'était dans le métro. Vous citez, je crois, Marc Auger, qui disait que le métro, c'était la collectivité sans la fête, la solitude sans l'isolement. Mm-hmm. C'est un peu de ça dont parle Le Clésio. Oui, oui, oui. Alors, il y a une évolution, parce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents comme ça dans son œuvre. Et donc, le métro, on le trouve déjà dans la guerre. Il y a une description du métro dans la guerre qui est une... Alors là, il est décrit comme un gouffre, en quelque sorte, et un endroit chtonien tout à fait terrorisant. Bon, mais dans Poisson d'or, au contraire, l'accent est mis davantage sur les rencontres justement possibles entre les gens qui ne se connaissent pas, sur des gens qui sont réunis par leur musique, qui se retrouvent effectivement dans le couloir du métro. Et dans c'est le recueil de l'histoire du pied et autres fantaisies qui se termine par un épilogue sur le métro, où le métro est décrit comme un lieu où justement, à cause de cette diversité des visages, des attitudes, l'écrivain peut puiser son inspiration. On a l'impression vraiment du no man's land, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne. Ce qui est terrible dans la ville, je crois que c'est un peu pour ça que j'idéalise les sociétés amérindiennes. Ce qui est terrible, c'est le sentiment de la propriété. Oui. Que tout est bouché, que tout est pris. Je me dis souvent, ça doit être épouvantable de naître maintenant et d'arriver dans un monde où tout est déjà attribué et vous n'avez pas la possibilité de je ne dis pas de posséder quelque chose, mais même de passer. Parce que les terrains vagues, c'est la possibilité de passer. Quand vous mettez une maison, on ne passe plus. Posséder, c'est une hantise chez vous. Je crois que oui. Et c'est, au fond, si j'idéalise la société amérindienne, c'est qu'elle n'en avait pas fait, je crois, son principe de base. Les sociétés amérindiennes considéraient la possession de la terre comme une hérésie, comme quelque chose d'absurde. Et elles considèrent d'ailleurs toujours, les sociétés amérindiennes qui survivent, considèrent toujours que la terre est à tout le monde. C'est notre mère à tous, et c'est pour le bien de tous et pour le profit de chacun, mais personne n'a le droit de dire que ça lui appartient. Ça lui est prêté, comme la vie d'ailleurs, et comme les éléments, comme l'air. Et il y a je ne suis pas arrivé à retrouver cela, j'aurais aimé le citer en tête de l'essai que j'ai écrit, Rêve mexicain. Il y a une phrase qui a été prononcée par un chef indien au moment de la rencontre avec l'armée américaine, qui reprochait aux Américains l'usage qu'ils faisaient, c'était pourtant au milieu du 19e siècle, l'usage qu'ils faisaient de la nature, et qui disait « Nous, notre volonté, c'est de laisser la terre à nos enfants telle qu'on l'a trouvée. Oui. » C'est-à-dire qu'il y a des forêts, on leur laisse les forêts. Mmh. Une rivière, on leur laisse la rivière. On a reçu quelque chose, on nous l'a prêté, ça nous a été prêté, et il faut la rendre à ceux qui viennent, comme ça nous a été prêté. Compagnie des œuvres sur France Culture, là où on s'est peut-être trompé aussi dans la lecture qu'on a faite ou qu'on fait traditionnellement de Le Clésio, c'est qu'il y a certes une claustrophobie des villes, il le disait à l'instant dans cette archive, mais la claustrophobie, elle vient du fait que les villes appartiennent à des gens. Ça n'est pas la ville en elle-même qui peut être belle, c'est un objet qui est beau, la ville pour Le Clésio. Oui, il disait très tôt, que les villes lui donnaient l'idée d'une beauté possible. Mais que le problème, c'est que nous ne savions pas les habiter. Et c'est pourquoi les villes sont oppressantes, parce qu'on ne sait, on ne sait pas y vivre, on s'y agite, mais on ne sait pas les habiter. Alors, peut-être qu'il faut aussi distinguer quelquefois entre ce qui est dit par le Clésio dans les entretiens, et puis ce qui ressort du texte. Et bon, alors c'est vrai que ces personnages, ils notent tous ces interdits qu'il y a partout, effectivement, dans les villes. Il y a toujours ne pas passer ici, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Il y a plein de panneaux partout qui sont autant d'interdictions de se déplacer librement, comme il le dit. Mais en même temps, il y a je pense par exemple dans Révolution, il y a des moments où certains non-lieux, ces lieux qu'on désigne comme des lieux impersonnels, etc., sont justement des espaces de liberté pour comme les terrains vagues, effectivement. Et donc, voilà, du point de vue romanesque, en quelque sorte, dans l'œuvre de Le Clésio, ça n'est jamais simpliste, ni tout blanc, ni tout noir. Donc, il faut savoir regarder la ville, s'arrêter pour la regarder. Est-ce que c'est la même chose avec les objets ? Est-ce qu'il y a une beauté des objets ? Et on est encore là dans un paradoxe de Le Clésio qui semble repousser totalement le matériel et qui en même temps semble adorer regarder les objets. Ah oui, ça c'est tout à fait juste. Le Clésio a effectivement beaucoup décrit les objets, et en particulier les objets technologiques. Il s'intéresse très très peu, c'est très très différent de Pérec par exemple, il décrit pratiquement jamais un appartement où ça ne l'intéresse absolument pas, mais il est totalement fasciné par les machines, par les objets technologiques, par leur puissance, leur infaillibilité en quelque sorte. Et il disait dans ses entretiens avec Pierre Lhoste au sujet de la guerre, justement, il disait que nous étions trop indifférents à ces objets et que ces objets en quelque sorte se vengeaient de notre indifférence parce que à cause de l'habitude, ils font partie de notre vie. Donc, ils ont quelque chose d'usé à nos yeux, donc on ne les regarde plus. Mais Le Clésio fait par exemple une description absolument extraordinaire, je crois que c'est dans Les Géants, des caddies de supermarché. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là ? Comment est-ce qu'il sort de cette contradiction entre l'admiration pour l'objet et quand même l'affirmation qu'un monde consumériste n'est pas une fin en soi, ne peut pas être une fin. Ou peut-être qu'il assume la contradiction. Je crois que le Clésio, il faut le percevoir dans ses, comme disait Montaigne, ses contrariétés. Et je crois que ça n'est pas incompatible. On peut trouver qu'effectivement les gens vont trop au supermarché et mettent surtout trop de choses dedans. Mais ils ne reviennent pas avec le plus bel objet qui est le caddie. Voilà. Mais on peut regarder le caddie autrement que comme justement cet outil qui nous sert à aller faire nos courses. Mmh. Et Le Clésio le regarde autrement. Et un critique disait à propos du métro qu'on ne peut plus entrer dans une station de métro après avoir lu Le Clésio comme avant. Parce que les images que Le Clésio a données de ce métro, elles nous hantent. Et c'est vrai pour le supermarché. Moi, je ne fais plus jamais mes courses avec mon caddie sans penser à ce passage qui est tout à fait extraordinaire. Peut-être que vous admirez sur le caddie les reflets, par exemple, parce que la lumière, c'est très important pour Le Clésio. Autour de J.H., les gens allaient et venaient. Des couples marchaient éclairés par les lueurs étranges. Des hommes passaient vite, des groupes serrés qui avançaient en parlant. Sur la chaussée, les voitures défilaient, carrosserie pleine de reflets cassés, calandre pleine de phares, de feux clignotants, de lampes rouges. J.H. entra dans le bar et but un verre de bière au comptoir. Là aussi, il y avait beaucoup de barres de néon, vertes, blanches, roses. Dans la salle, des gens buvaient. Les murs portaient de grandes plaques de miroir qui renvoyaient la lumière. Même le verre que J.H. tenait dans sa main était lumineux, comme découpé dans un diamant, et la bière était couleur d'or. J.H. alluma une cigarette, et un instant, la flamme du briquet fut une étincelle, le centre de l'univers aux milliers de galaxies. Il regarda au dehors. Thank you. un extrait du livre des fuites par Marcel Beausufi. Il y a la lumière, il y a les flammes, la flamme du briquet, il y a les reflets, il y a les calandres des voitures avec leurs phares. Partout, on dirait un tableau. Un tableau de Hopper, presque. Oui, tout à fait. Le Clésio est fasciné. Et c'est ça qu'il trouve intéressant dans l'objet technologique, c'est qu'il capte la lumière d'une façon extrêmement profonde. Et puis, c'est très varié, évidemment, en fonction du support. Et cet intérêt pour la lumière était très, très important, surtout dans les premiers livres sur les objets. Et justement, je trouve que ce passage illustre tout à fait ce que je disais sur cette façon qu'a le Clésio de trouver la poésie là où nous ne la mettons plus. Quand on regarde une calandre de voiture, on n'est pas attentif à ce jeu de lumière, à la manière dont elle capte la lumière. Monsieur, vous avez dit vous-même que quand vous alliez au supermarché, maintenant, vous ne regardiez plus les caddies comme avant. Voilà. Donc la technologie, ça l'intéresse. La science, c'est un langage aussi qui peut le passionner. Il est quelqu'un qui est notre contemporain en ce sens qu'il s'intéresse à la science et au langage scientifique. Oui. Le Clésio était vraiment... Bon, je crois qu'il y a dans sa famille des gens qui... Son père était médecin, déjà. Et il est extrêmement intéressé par la science et surtout par la science contemporaine, parce que finalement, la science contemporaine, par certains aspects, elle va dans le sens de sa propre quête et de sa propre recherche, en ce sens qu'elle ne se veut plus détentrice d'une vérité avec un grand V, et qu'elle admet l'incertitude, qu'elle admet la complexité, qu'elle admet la cohabitation des contraires, etc. Et donc, il s'y retrouve tout à fait dans cette science contemporaine. Et moi, j'ai été très, très frappée dans un livre, justement, comme L'extase matérielle, de toutes ces références scientifiques dont le Clésio... que le Clésio exprime, et c'est tout à fait étonnant de voir comment il parle des neutrons, des ions, etc. Il a une connaissance profonde de la science, et il n'est pas dans le rejet de la science. Alors, il y a un nom quand même qui plane un petit peu sur cette conversation, Marina Sall, depuis tout à l'heure. C'est le nom de Pérec, que d'ailleurs vous avez prononcé une fois. On pense à son livre Les Choses. Mmh. On pense aussi à sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien, oui, qu'il avait fait sur la place Saint-Sulpice à Paris. Il y a quelque chose d'un petit peu similaire peut-être chez Le Clésio dans L'extase matérielle, quand il propose d'écrire un relevé typographique de tout un quartier. Ah oui, c'est la même démarche qui consiste à capter en quelque sorte à capter le réel sans le hiérarchiser, y compris l'infraordinaire, hein, comme disait Pérec. Et la ressemblance est évidente dans l'utilisation des listes. Dans les premiers livres de Le Clésio, il y a énormément de listes, des listes de matières, des listes de marques, de produits, etc. Et les listes sont très très nombreuses. Les objets sont seulement convoqués, en quelque sorte. Là, dans ce cas-là, ils ne sont pas décrits. Et alors là, je pense qu'il faut rapprocher deux courants artistiques de l'époque, qui sont les nouveaux réalistes. On a parlé de la peinture tout à l'heure, j'aurais dû effectivement à ce moment-là vous parler de son rapport avec les nouveaux réalistes. Alors on peut le faire maintenant, parce que vous consacrez un chapitre entier de votre livre aux nouveaux réalistes. Effectivement. Alors, il les connaît d'autant que... À la base des nouveaux réalistes, il y a ce qu'on appelle l'école de Nice, c'est-à-dire un certain nombre d'artistes qui vivaient Klein, à Nice. Klein, par exemple, qui a peint le ciel de Nice, surtout. Voilà, Klein, mais c'est aussi Martial Reiss, et donc et Armand également. Et donc, Le Clésio, à 18 ans, faisait partie du club des jeunes qui s'était créé pour soutenir l'action des nouveaux réalistes. Et il est évident que les œuvres des nouveaux réalistes l'ont influencé. Si on lit dans les premiers livres, il y a des descriptions, par exemple, de tables de nuit qui peuvent ressembler aux tableaux pièges de Spoerry. Mmh. Il y a des poubelles, il décrit énormément, enfin, plusieurs reprises, il décrit des déchets, il décrit on pense à Armand, hein, aux poubelles d'Armand, et il y a un regard, cette capacité à capter la matière brute en quelque sorte, et sans vouloir lui donner effectivement une valeur positive ou négative. Et ça, il l'a en commun avec les nouveaux réalistes, et peut-être aussi un peu avec la nouvelle vague, hein, qui est aussi de s'intéresser au quotidien. Ce qu'il reprend à la nouvelle vague, c'est peut-être les travelling aussi. Oui. Il y a des travelling dans ces romans. Oui. Il y a beaucoup de travelling dans ces romans. On suit les personnages. On suit les voitures quelquefois quand elles, ou alors on les voit arriver. Le Clésio a été passionné par le cinéma et il a expliqué que à l'âge de 5 ans, il avait eu un pâté bébé que lui avait offert sa grand-mère, il s'était initié au langage cinématographique très tôt. Quelqu'un dans sa famille était monteur, je crois, aussi. Oui, une amie de sa grand-mère. Était monteuse. Et donc, il a pu être initié très tôt au langage cinématographique. Et donc, je pense que cela se sent dans sa manière de décrire dans la ville. Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons avec Marina Salle de Jean-Marie Gustave Le Clésio et des motifs de la modernité dans son œuvre. Il y en a beaucoup. Nous n'avons pas encore épuisé ce sujet. Tiens, par exemple, vous parlez de la modernité et de la condition humaine. En quoi est-ce que, par exemple, les actes d'affirmation de la vie, la naissance, la mort, l'amour, sont chez lui aussi inscrits dans une certaine modernité pour vous, Marina Salle? C'est difficile. Oui. On pourrait penser que Le Clésio n'est pas si moderne que ça à propos des naissances, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans les naissances. Alors, chez Le Clésio, c'est que presque toutes ses héroïnes accouchent seules et en dehors, effectivement, d'un contexte médical. Il y a cette la idée... La péridurale n'existe pas chez Le Clésio. Chez Le Clésio, non. Elles naissent seules et elles mettent leurs enfants au monde seules, dans des positions qui ne sont plutôt les positions archaïques, je n'emploie pas le mot en termes péjoratifs, bien sûr, quand on voit dans certaines statuettes qui représentaient les maternités. Bon, elles accouchent accroupies, par exemple. Ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est que les pères sont très très absents des naissances, mais il y a ce qui est moderne, c'est la façon de décrire avec beaucoup de réalisme et d'exactitude les situations, les mises au monde. Et la violence de ces mises au monde. Et il y a peut-être l'idée d'une certaine tragédie dans cette naissance, d'une certaine solitude dans laquelle les enfants naissent. Bon, alors je sais pas. La modernité, elle est dans la solitude peut-être justement. Modernité. La solitude, probablement. Oui, la solitude, ça fait longtemps que ça existe. Que ça existe. Effectivement. Et bon, et à propos de l'amour, alors Le Clésio, il a ça aussi qui pourrait paraître pas très contemporain, c'est qu'il n'insiste pas beaucoup sur la sexualité, par exemple. C'est pas un écrivain dans lequel, et dans les premiers livres, la sexualité, elle est même quasiment absente. Il y a de la pudeur, justement. Alors, je pense. je pense que ça, il y a de la pudeur. Bon, elle est davantage présente dans un roman comme Révolution, quand même, avec de très belles scènes. Il y a, et puis la sexualité, il la décrit quelquefois aussi d'une manière très belle dans un rapport avec un environnement naturel, dans des airs par exemple, ou dans la quarantaine. Par exemple, il y a quelques scènes d'érotisme qui se passent en pleine nature. Et l'érotisme est ce qui relie aussi à la nature. En quelque sorte, il y a trois personnes. Il y a le couple et la nature qui accueille. Et donc ça, on pourrait penser que ce n'est pas tout à fait dans l'air du temps par rapport à la sexualité telle qu'elle est décrite dans les livres. Mais justement, je pense que c'est ça qui fait l'originalité de Le Clésio. C'est de ne pas... Parce qu'en même temps, Le Clésio n'est jamais dans la mode. Il écrit ce qu'il a besoin d'écrire, il parle de sujets contemporains, mais pas forcément en se mettant dans les pas des autres. Ça, c'est la modernité telle que Baudelaire la définit, justement. Absolument. Absolument. C'est pourquoi je dis qu'il est plus près, effectivement, du peintre de la vie moderne. Mais alors, comme je suis obligé de vous poser la question, est-ce qu'il n'est pas, par certains aspects, reprenons l'accouchement alors, au contraire, un petit peu anti-moderne ? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation quand même de l'anti-modernisme chez lui ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une tentation de l'anti-moderne. Il y a une lucidité de Le Clésio sur tout ce que la société moderne provoque de souffrance, d'aliénation. Mais il y a aussi cette idée, il n'y a absolument pas de regret, de nostalgie d'une vie antérieure ou d'un passé lointain. Il a dit, vous savez, il a parlé à propos des manifestations de Greta Thunberg, la jeune étudiante suédoise. Il a dit, à propos de son action pour défendre, effectivement, lutter contre le réchauffement climatique, il a dit qu'il avait la nostalgie du futur. Et ce qui est une très, très belle formule, c'est-à-dire que la nostalgie de tout ce que l'on n'a pas fait pour préserver la planète et la transmettre une planète non dégradée à nos enfants. Mais il n'a pas la nostalgie du passé. Ça n'est pas un primitiviste, Le Clésio. Et c'est cette image que j'ai voulu combattre, l'image d'un Le Clésio primitiviste qu'on présente parfois comme ça. Et ben vous avez pu du coup le faire encore à l'instant. Vous citez Lipovetsky, vous citez Baudrillard. Donc Le Clésio, c'est aussi quelqu'un, même s'il refuse une espèce d'élitisme théorique, qui est imprégné des théories les plus contemporaines. Sur l'ère du vide, par exemple. Tout à fait. Je ne sais plus dans quel livre il cite Deleuze, par exemple. Il a beaucoup lu, et c'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui a ces connaissances-là. Bon, alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne se situe jamais dans une école quelconque ou dans une filiation quelconque. On ne peut pas le rattacher à une école. C'est très difficile de classer Le Clésio. Les critiques n'y arrivent pas. Ils ne savent jamais où le mettre en fonction de l'époque. On ne sait pas où le placer. Alors, c'est Bruno Blankmann qui a fait une classification. Il l'a classé dans le roman créatif. Bon, donc c'est suffisamment large pour que... Mais bon, il est difficile de le rattacher à un penseur précis. On va demander à un critique littéraire, Alexis Broca, ce qu'il en pense. Merci beaucoup, Marina Salle. Votre dernier livre s'appelle « La tour, les choses, la guerre ». Il est publié aux éditions Passage. Je rappelle que vous avez été longtemps professeur au lycée Dauté, établissement que nous saluons. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Alexis Broca. Bonjour Mathieu, bonjour Marina. Vous allez nous parler du sommaire du magazine littéraire, mais d'abord, il faut que vous nous parliez un petit peu de la littérature de Le Clésio que vous aimez bien, je crois. Ah oui, que j'aime beaucoup. J'étais ravi d'ailleurs de vous entendre parler parce que ma petite vision de Le Clésio a acquis une nouvelle dimension en vous entendant. C'est vrai que alors, j'ai connu Le Clésio, comme beaucoup de lecteurs, d'ailleurs, je l'ai connu enfant à travers les livres Lullaby ou Villa Aurore. Et en effet, mon premier Le Clésio, c'était Le Clésio de la lumière, de la sensation ineffable, des mots qui s'envolent, portés par le vent au bord de la plage. Et puis j'ai grandi, j'ai lu un autre Le Clésio, qui était le Clésio urbain des nouvelles de La Ronde, où j'ai été vraiment foudroyé par ces nouvelles. Et d'ailleurs, on parlait de la modernité de Le Clésio. C'est vrai que lorsqu'on prend la nouvelle La Ronde, qui décrit une agression collective, dans un cadre urbain très, très froid, on peut y voir même un caractère presque prémonitoire de ces nouvelles. Et puis j'ai continué je l'ai suivi. J'ai fait une critique d'Alma, d'ailleurs, qui est parue il y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'il est très difficilement classable. C'est un auteur que nous dire, il est souvent rejeté avec moquerie par ceux qui ne l'aiment pas. En quelques mots, je me souviens d'Angelo Rinaldi qui l'appelait Monsieur Météo. Mais évidemment, il y a beaucoup plus à dire. Rinaldi aime beaucoup les formules. Oui, les formules lapidaires, mais c'est assez injuste parce que ce Monsieur Météo fait abstraction de toute une part de l'œuvre de Le Clésio. Alors, qu'y a-t-il dans le nouveau magazine littéraire? Il y a tant de choses que j'ai du mal à toutes les évoquer, mais enfin, je vais quand même vous parler d'un excellent article de l'écrivain Jonathan Coe, dont le roman sur le Brexit, Le cœur de l'Angleterre, est un des succès de cette rentrée. Jonathan Coe, vous le savez, c'est un romancier très attentif à la vie politique en Grande-Bretagne. Et en 2013, il a écrit dans un journal littéraire anglais un article littéralement prophétique sur Boris Johnson, qui éclaire de façon très étonnante notre actualité, puisque cet article, en fait, porte sur le rôle de la satire en politique. Jonathan Coe nous explique que dans les années 60, la satire représentait une véritable menace pour les hommes politiques installés, qui se sentaient effectivement tournés en ridicule, alors que eux, c'était pas du tout leur registre. Et il explique que dans le monde contemporain, où tous les hommes politiques nous paraissent par essence malhonnêtes, la satire, finalement, a été désarmée. La satire est devenue inoffensive, elle est devenue un substitut à la réflexion. Nous rigolons de ces hommes politiques pour ne pas avoir à réfléchir et à nous désespérer des réflexions qu'on pourrait tirer sur leur action. Et cette situation donne un gros avantage à certains hommes politiques, et c'est là où intervient Boris Johnson, dont il parle en fait pendant les trois quarts de l'article. Quelqu'un comme Boris Johnson, en fait, par l'humour, par ses capacités comiques, est capable de neutraliser n'importe quelle question, n'importe quel entretien, n'importe quelle situation gênante. Et c'est très étonnant parce que Jonathan Coe termine cet article qui a été rédigé en 2013 en prédisant un immense avenir à Boris Johnson. Et en effet, les faits lui ont donné raison. Et d'ailleurs, Coe a bien voulu revenir sur cet article pour le magazine littéraire. Et il étend en fait son propos aux différentes figures d'histrions et de trublions qui sont venues troubler la vie politique internationale, de celle de Bolsonaro à celle de Trump. Enfin là, il est dans une situation très gênante. On va voir si une bonne blague va suffire à faire en sorte qu'il s'en sorte. Vous parlez également dans le nouveau magazine littéraire de Toni Morrison, à qui vous rendez hommage. Voilà, on a deux très beaux articles. Enfin, on a plusieurs articles sur Toni Morrison, mais il y en a deux dont j'aimerais parler. Le premier, c'est de Leonora Miano, qui était aussi une des romancières vedettes de la rentrée. Son Rouge Impératrice est sélectionné pour le Goncourt. Et là, en fait, elle nous écrit littéralement une petite fiction dans laquelle Toni Morrison est accueillie dans l'au-delà par ses personnages. C'est un texte magnifique. Je peux vous en parler davantage. Il se défend très bien tout seul. D'accord. Écoutez, merci infiniment. Et puis du coup, je renvoie de Christine Taubira aussi, auditeurs. Mais il est très bien. Il y a tellement de choses très bien, comme toutes les semaines dans le nouveau magazine littéraire. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Mathieu. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Jean Frédérix. Demain, dernier moment de notre série dédiée à l'écrivain franco-mauricien Jean-Marie Gustave Le Clésio. Nous intéresserons avec Bruno Thibault aux influences indiennes et chamaniques de l'écrivain ainsi qu'à son rapport aux États-Unis. Je rappelle à nos auditeurs que la revue papier numéro 30, intitulée L'âme humaine, est sortie le 11 septembre dernier. Précipitez-vous !